نگیا اشیل ال سی دی راب فرانسی نو راب لوف ای وای فیچورینگ مسیو کافو اشیل ال لوف تایم چیز Loyal gang, loyal soldier. Rap love. Love melody. Et y'a. Que tu love. Et y'a. J'ouvre les yeux, nouveau jour, nouvelle réalité. Le temps de calculer que tu n'es plus là à mes côtés. J'ai dérapé, je t'ai perdu, amour à vie, je t'ai déçu. Tu m'as rendu ta bague, ta dot, mis feu à mes émotions. Pas de solution, les sentiments s'éteignent, s'échappent. Tu fuis ma vie, rêve d'un ailleurs mais sans moi. Je suis sans abri, le cœur à vivre, t'étais ma vie, mon récif. T'étais tout, j'étais fou, malade, dingue de toi. J'ai ton image gravée dans la rétine. Le destin abîme, t'es mon abîme, mon gouffre, celle pour qui je souffre. Celle que je voyais mère, moi père comblé. Nos enfants inondés d'amour, famille toujours. Y'a plus de retour, j'ai raté le carrefour. Engagé dans un cul-de-sac, l'amour gravé dans la peau. Mais maintenant je suis seul dans ce bateau. Des rimes pour toi, j'en ai des milliers. Alors laisse-moi juste les réciter. Des rimes pour toi, j'en ai des milliers. Autant que tu sables sur terre. Je t'aime autant que la musique difficile de faire un joueur. T'as dû me rendre la bague en jetant nos projets à l'eau. C'est vrai, j'ai voulu tout fuir la lune en restant loin de toi. Une vie des rêves sans jamais être là. Une vie des rêves sans jamais être là. C'est vrai, j'étais jamais là tant. Je rentre trop tard. T'avais juste besoin d'un peu de temps, juste un peu d'amour. Je le concentre à la musique. T'as fini par remplacer cet amour par la haine. Aujourd'hui t'es plus là, je vois mes rêves à terre. Moi qui me voyais père et toi mère, des gosses qui couraient partout. J'en regrette mais c'est fait déjà trop tard. Pourtant très tôt t'es parti. J'ai l'amour dans la peau, nos souvenirs ne cessent de me hanter. Noyé dans mes textes, je pense à toi. À chaque beat, battement de ton Love Die. Monsieur Kafour Feed Il de l'amour dans la peau. Love time. Love time. Love time. Que tu love, que tu love. Love time. Monsieur Kafou HLL. Love time.